transition de l'existence. Simultanée des concordances. Rapport hermétique de la fusion et creux du ciel. Figure du toi vampire. Sentir jusqu'au derrière le regard de ce qui est proche. Ailleurs. Trouve de l'homme cherchant. Et c'est ainsi. Du hasard à la réalité. De la nécessité au pas de hasard. Envoie le catholique. Protubérance finie. Maxage au fur et à mesure. Simultanée. Je ne veux pas en dire plusieurs différents. Le bricolage change un baril de réponse. Prière de Dieu à l'homme, savoir de Dieu. Plonger le cerveau dans la force. L'effort invisible, absence de présence, présence de l'absence. Tel est le savoir de l'instant. Gouffre infinie qui ne cesse de renfermer ce souvenir. mange.